gros Escapi, donc c'est Rachel et moi qui l'avons monté il y a 8 ans maintenant, parce qu'on avait gagné un concours d'archi de bibliothèque scolaire qu'on a construit en Pisé, en chantier international participatif, avec des volontaires de partout dans le monde et locaux, locaux qui n'étaient pas volontaires, qui étaient ouvriers. C'était où? Et c'était au Ghana. Et on a monté l'asso pour ce projet et le projet s'est bien passé. Et en rentrant, on s'est dit, en vrai, on parle déjà de terre crue depuis super longtemps dans notre environnement, au travail, dans les cercles qu'on a. Donc autant continuer à faire en sorte que cette technique soit connue du plus grand nombre et tout ça. Et donc du coup, on a gardé l'association et donc on travaillait aux 4/5e chacune dans des agences distinctes et le reste du temps, on le consacrait à l'association. Maintenant, l'association, on est 6 au quotidien, on va dire. Et quand il y a des temps forts, pour un atelier, pour un chantier participatif, enfin, on peut monter à beaucoup plus. Ce qu'on fait avec l'asso, c'est qu'on a fait beaucoup de vulgarisation grand public sur la construction en terre crue. La terre crue, c'était clairement notre entrée en matière. Après, on fait du coup aussi de la paille, de l'ossature bois, enfin voilà, mais en tout cas, c'est la terre crue, c'était un peu le vecteur pour faire du chantier participatif. Et la première question, c'était que les gens se réapproprient leur habitat et se réapproprient les gestes de réparation et sachent dans quoi ils habitent et en fait, et ne se fassent pas une montagne de réparer quelque chose, de fixer un truc, tout en améliorant leur confort intérieur. Donc là, avec l'association, on a fait donc de la vulgarisation grand public, plusieurs temps de conférences, tout ça sur le sujet, et ensuite de l'accompagnement de chantier participatif. Sur les 6 membres, on va dire, actifs, on est 3 archis et 3 pas archis. Et en gros, on a encadré les chantiers participatifs des chantiers qu'on n'avait pas suivis en maîtrise d'œuvre. Donc, pour donner un exemple, l'un d'entre nous a fait une rénovation complète d'une maison et il y avait plusieurs cloisonnements en adobe et en enduit et des enduits à pierre vue à faire. Et du coup, c'est donc Rachel et moi qui avons encadré le chantier participatif parce que nous, on n'était pas du tout intervenus sur ce chantier en tant qu'archi. Et donc, on a encadré le chantier participatif. Donc, c'est un peu de la régie de chantier participatif, s'assurer que tout le monde soit là, qu'il y ait les matériaux, qu'il y ait à manger, qu'on puisse loger confortablement et se reposer, et que la technique mise en œuvre soit transmise. Donc la logistique aussi, tout ce qui est autour de la vie de ces gens. Ouais, le fait que ça se déroule dans le temps imparti. Sur les techniques identifiées. Donc nous, pour mettre de côté les questions d'assurance et autres, on n'intervient que sur les actions de seconde œuvre. Comme ça, sur ces chantiers participatifs, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout en souci d'être parce que si jamais ça fissure un tout petit peu les enduits, on repasse passer un coup d'éponge. Et puis voilà, ça nécessite d'une bonne relation avec le client. Le client étant déjà fort investi dans le sujet. Et en général, il sait passer un coup d'éponge lui-même si jamais il voit une micro-fissure. Hein. Et nous, on n'engage pas la structure du bâtiment dans la réalisation des ouvrages qu'on préconise. Donc là, ce chantier-là, par exemple, il y avait un cloisonnement intérieur en terre allégée, deux cloisonnements ossature bois, donc c'est l'ossature bois qui assure la structure et avait été posée par des entreprises, et remplissage parement en adobe, donc on a fabriqué les adobes en chantier participatif et fait l'appareillage. Les pierres vues, pour le coup, les pierres vues, on a creusé et purgé les joints et refait tous les joints en terre crue et les enduits intérieurs absolument partout. En fait, on considère que ça revêt déjà un suffisamment grand panorama d'action pour ne pas nous engager d'un point de vue assurantiel sur ces sujets-là. Par contre, on borne vachement. En gros, on dit aux entreprises, vous êtes sur chantier jusqu'à telle date. De telle date à telle date, il y a une vacance et c'est 15 jours de chantier participatif. Et on fait une visite de chantier, enfin une visite de chantier. On fait un tour de chantier tous ensemble où on dit, bah, par exemple, je sais pas, les réservations des électriciens, elles sont déjà placées, mais il n'y a pas encore tous les câbles qui courent, toutes les finitions et tout. Et ben, on met un scotch au bout du tuyau et tous ensemble, on dit, bon, bah, c'est dans cet état-là maintenant et ça sera dans cet état-là dans 15 jours. Ok, Je c'est une pense sorte de pour constat. borner, voilà, pour borner et dire, bah, en gros, vous nous laissez le chantier dans cet état-là. Nous, on va être là pendant 15 jours et ensuite, vous revenez sur le chantier, vous allez retrouver dans le même. Donc, pour rassurer aussi les entreprises qui sont parfois issues de totalement conventionnels. Parfois, c'est des entreprises avec des artisans, formateurs, tout ça, machin. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais quand on a affaire à des entreprises plutôt conventionnelles, on fait ça. On s'arrange pour que le calendrier se stoppe à un moment, à un instant T. Et reprennent ensuite. Quand on est sur des sujets, par exemple, ben, en fait, il y a des sujets qu'on maîtrise nous parce qu'on a fait énormément de chantiers participatifs et qu'on a aussi grandi dans des maisons faites comme ça par nos parents. Donc, on est déjà assez instruit sur la mise en œuvre. On se permet d'encadrer les chantiers participatifs. Quand on est sur une technique ou sur une finition, qu'il y a une exigence, genre par exemple, je pense à des enduits qu'on a fait pour une petite maison, il y avait vraiment une exigence de finition sur les enduits. Et quand on est sur un chantier participatif, eh ben, il y a les 12 mains de tous les 6 participants qui appliquent de manière différente et tout ça. Et donc là, en l'occurrence, on avait demandé à la maîtrise d'ouvrage de payer une artisane spécialisée dans les enduits terre crue et qui a réalisé la dernière passe de finition, mais surtout a suivi tout le chantier participatif. Donc, était là tout du long pour retransmettre les bons gestes et tout ça aux participants. Donc, c'est vraiment, on fait en fonction des chantiers, on réunit les gens qui nous semblent les plus propices à ce que ça se fasse d'aplomb dans la suite. Ça, c'est vraiment dans le cadre de l'ASSO. Donc avec Escapi. Et juste, est-ce que c'est courant que vous fassiez aussi intervenir des artisans ou des artisanes sur ce... Bah pour l'instant, ça nous est arrivé deux fois. En soi, on a un rythme avec l'asso qui est, comme on fait tout en parallèle de nos métiers, on a un rythme très lent. On est vraiment slow motion et on fait quand on sait qu'il y a à faire. Donc, parfois, ça peut être qu'on a un chantier par an ou, enfin, voilà, on n'est pas du tout. Tout ça, c'est entièrement bénévole, entièrement, c'est du temps donné, quoi. Bénévolat tout. Voilà, c'est du bénévolat. Par contre, on fait payer aux clients le côté régie. D'accord. Voilà, le côté s'assurer que tout le monde arrive et est là au bon moment, que les matériaux soient là au bon moment, enfin genre vraiment un espèce de package de suivi du chantier participatif. Mais ça, c'est comment? C'est au forfait ou Ça dépend, on a testé plein de formules, ça dépendait en fait de si le chantier il était vraiment à proximité de nos habitats ou s'il fallait qu'on nous aussi on se déplace et qu'on y loge, enfin ça dépendait de l'endroit où on s'approvisionnait. En fait, on a un terrain avec l'association. On a un terrain de 4000 mètres carrés en bordure de Nantes, où on est entre Nantes et Gaillac, dans lequel on est en train de planter un jardin forêt. Et pour avoir de l'eau sur ce terrain, on a creusé une noue. Et la terre de la noue, on continue à l'exploiter dans les chantiers participatifs qu'on a aux alentours de Nantes. Donc, on en a déjà fait des enduits, des adobes, de la terre allégée. Enfin, voilà, on l'a déjà mis en œuvre dans plein de chantiers différents. On a à chaque fois fait des formules un peu différentes en fonction aussi de l'investissement des clients, parce qu'il y en a certains qui sont à fond, non, mais je vais gérer toute la nourriture. tout le fait de pouvoir loger, les matériaux seront sur place, enfin voilà, ou alors il faut qu'on encadre tout, donc c'est vraiment à chaque fois au cas La par cas. carte en fonction Ouais, c'est à la carte et de on estime le temps qu'on va y passer et les frais que ça va engager. En aussi. sachant qu'on a un set de matériel, d'outils aussi maintenant avec l'assaut, qui fait qu'on peut arriver avec citruelle, on a déjà des queues de cochon, on a des seaux, on a, enfin, donc ça veut dire que les clients n'ont pas forcément à investir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un chantier et de ne pas avoir assez de truelles pour accueillir tout le monde. Enfin, voilà. Et c'est des frais connexes au chantier participatif qu'on n'a pas quand on fait un chantier classique, puisque c'est l'entreprise qui a son matos pour faire le chantier participatif. Donc ça, c'est côté assaut. Et c'est le plus gros de l'expérience qu'on a dans la pratique vraiment de la chose, puisque ça, on le mène depuis 8 ans en parallèle de nos métiers respectifs. Et Tikal, on a créé l'agence l'an dernier avec Rachel, donc toutes les deux à nouveau. On aurait adoré continuer à s'appeler Escapi, mais on est hyper contente qu'il y ait de nouvelles personnes dans l'assaut et qui ont pris en main l'outil et qui le développent sur d'autres sujets que nous, on n'avait pas forcément étoffé et tout ça. Donc on a pris un autre nom, totalement autre nom, Parce que vous à voulez rester toutes les deux. proximité. Mais en l'air, du coup, on n'est que toutes les deux, Archie. Et on est spécialisé, donc moi je suis architecte du patrimoine et Rachel est archi et certifiée Propaille. Donc on fait patrimoine et éco-construction, en sachant qu'il y a une certaine logique entre les deux parce que c'est les mêmes matériaux qui sont employés dans le patrimoine et qui sont promus en biosourcés et autres sous des nouveaux noms mais qui sont les mêmes. Ouais, et donc là, avec Tikal, vu qu'on s'est installé il y a 1 an, on commence à peine à avoir des chantiers qui démarrent, puisque du coup, le temps des études et tout ça, enfin voilà. Et Donc avec donc, Escapi, vous n'avez jamais fait de conception finalement. C'est vraiment. avec Escapi, on a toujours fait de la conception à part. On n'a pas fait de la. Enfin, on a fait de la conception pour la bibliothèque, parce que c'était notre premier projet. Et ensuite, genre par exemple, on avait un projet et on nous disait, bah, voilà, il y a une paroi. Cette paroi, on veut la faire en terre. Et nous, on a conçu la paroi en terre. Genre le fait qu'il y ait un appareillage d'adobe différent et qu'il y ait un petit calpinage qui fait qu'elle est ajourée et qu'il y a un jeu de lumière et tout ça, machin. Mais on s'est restreint à l'ouvrage terre crue. Oui, D'un plus point de de vue détails techniques que conception. de la conception Ouais, c'est ça. C'est vraiment précision de la technique que on n'a pas fait d'action. On a fait de la scéno un peu pour un festival plusieurs fois d'affilée, mais là, il n'y avait pas beaucoup de terre crue, mais il y avait beaucoup de chantiers participatifs. Mais c'était plus. On voit en fait Escapi, on le voit plus comme notre boîte à outils, notre boîte à rêver, quoi. Escapi, ça veut dire échapper. Donc c'est un peu l'état d'esprit de cet asso, c'est pas forcément qu'elle vive à fond et avec plein de monde et à toute berzingue, mais par contre qu'elle nous permette d'avoir en parallèle de notre travail Souffle un un peu. instant d'évasion quoi, qui correspond au monde qu'on aimerait avoir, grosso modo. Et ensuite, du coup, avec l'agence, on va avoir 3 chantiers participatifs dans des projets, enfin 2 projets neufs et un projet de réhabilitation, tout pour des particuliers. Mais on est en train de les installer et de les paramétrer. Donc les mêmes, on va utiliser les mêmes paramètres que ceux que j'expliquais tout à l'heure pour Escapi, mais on est en train en fait de voir à quel point l'investissement du client, parce que organiser des chantiers participatifs en tant qu'archi, bah c'est du temps qu'on acceptait de faire bénévole pour l'asso, puisqu'on avait des salaires en parallèle en étant au 4-5e dans d'autres agences. Maintenant qu'on est à la tête de notre propre agence, on ne peut pas se permettre de faire du bénévolat partout et tout le temps. Bon. Et donc, du coup, c'est toutes ces choses-là qu'il faut estimer en plus. Parce que c'est un suivi de chantier très particulier. Enfin, genre c'est en plus du suivi de chantier courant, on va dire. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps en termes de. Je sais que c'est chaque chantier un peu spécifique, mais en termes de. Ouais, chaque chantier est un peu spécifique, mais on a beau, par exemple, à un chantier où on va avoir, enfin conventionnel, où on va avoir des entreprises, on va avoir toutes les pièces écrites, les quantitatifs, le descriptif du chantier, avec des interlocuteurs qui savent lire ce genre de choses, et encore pas tous, mais la plupart savent lire ce genre de choses et savent préconiser par leur métier, par leur savoir-faire, la solution qui leur semble la plus adéquate et tout ça. Déjà là, il y a des couacs. Donc là, on part en mode chantier participatif. Donc déjà, nous, on restreint à une partie du projet qui nous semble réalisable par le client. Et c'est aussi par rapport, enfin, il y a vraiment un échange avec le client de savoir le profil un peu qu'ils ont, s'ils ont déjà mis la main à la pâte plusieurs fois ou si c'est la toute première fois, s'ils ont beaucoup d'envie ou pas trop d'envie, et qu'ils aimeraient bien que ce soit fini, mais que moins cher. Genre, par exemple, si un client nous dit que c'est que pour que ça soit moins cher, bah non, c'est pas la peine d'envisager un chantier participatif parce qu'en soi, dans tout le temps d'organisation et tout, on va revenir à des prix équivalents. Genre, Oui. ça sera rarement plus cher, mais c'est pas non plus énormément moins cher, quoi. OK. Donc, si la seule motivation, c'est d'un point de vue économique, c'est pas la peine de pousser. Enfin, genre, dès l'esquisse, en fait, on parle du fait que s'il y a un chantier participatif, partant, pas partant, comment, de quelle manière, vous avez déjà fait, vous n'avez pas déjà fait. Voilà. Tout ce temps-là, on l'intègre dans notre discussion de conception aussi. Ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on souligne financièrement. Par contre, à partir du moment où on arrive au moment de préparation du chantier, on a une ligne en plus de préparation du chantier participatif Ouais. qui a son propre truc. Et ensuite, là pour l'instant, c'est que des chantiers participatifs qu'on ne va pas suivre nous, parce que les clients sont assez autonomes sur le sujet. Donc, nous, on va juste faire en sorte qu'il soit fait au bon moment et qu'il y ait le bon. Hein. Je pense que si on est amené à faire un chantier participatif qu'on suit nous en tant que personne, on le fera suivre par l'association, par Okay. SCAPI. Parce Parce qu'il que, y a une question de déontologie aussi à un moment donné, non? voilà, c'est ça. Et puis, en fait, en termes d'assaut, l'avantage aussi, c'est que les participants, donc le temps du chantier participatif est considéré comme une activité de l'association. Et du coup, les participants, en adhérant à l'association, sont assurés sur le temps donné du chantier. OK. Ça ne veut pas dire que l'ouvrage est assuré, mais ça veut dire que les participants, si jamais, je sais pas, il y a quelqu'un qui se fait tomber une adobe sur le pied ou un marteau sur la tête, l'association a une assurance pour ce genre de problématique, puisqu'on organise une réunion de gens qui font une activité qui peut avoir des. Et en lien avec la RC, Voilà. ou pas globalement. Et ensuite, c'est ça, c'est exactement ça. Et ensuite, comment? En termes techniques, enfin administratifs plutôt, Ouais. qu'est-ce que c'est du coup? Parce que j'ai aussi un petit volet assurantiel et Bah contractuel, non, bah c'est une etc. responsabilité civile, Responsabilité civile et mais après. on a un contrat particulier avec. On est chez la Maïf. Ok. Et on a un contrat particulier qui précise. En fait, nous, en amont d'un chantier participatif, on doit prévenir que on fait un chantier participatif à tel endroit et c'est une activité de l'association. D'accord. Après, je sais qu'il y a eu des échanges récemment sur la boucle de la fédération, la FEDAC. D'accord. Il y aurait une évolution de certains contrats assurantiels. OK. Mais là, nous, on ne s'est pas reposé la question parce que cet été, on n'a pas de chantier participatif avec l'asso. Ouais. Donc, on n'a pas re-questionné la chose. Mais jusqu'à présent, c'était le système D'accord. qu'on a fait. Donc, les bénévoles qui viennent, par exemple, Est-ce que c'est forcément le maître d'ouvrage ou est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes Non, bah, en fait, l'avantage d'avoir l'asso depuis un moment maintenant, c'est que on demande au maître d'ouvrage de demander autour de soi s'il a des gens qui ont une appétence pour le sujet. Mais nous, si on fait un rapide mailing du groupe que représente l'association, ça représente presque 800 personnes à peu près. Là, dans le lot, on a toujours 2-3 personnes de plus de motivées. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en fait, nous, sachant ce qui va être mis en œuvre et le temps que ça va durer, on ne fait pas des chantiers participatifs où il y a trop de monde non plus. Oui. Parce que s'il y a trop de monde, on ralentit. Okay. Ouais, voilà. Et puis les gens ont le temps de tenir la truelle 2 secondes et du coup personne. Enfin, c'est bénéfique pour personne puisque on n'apprend pas forcément, on ralentit tout le processus. Donc on fait pas des chantiers participatifs avec trop de monde. Je crois que le maximum qu'on ait fait, on était 10 et c'était pour les enduits et on avait quelques mètres carrés d'enduits à faire quoi. Bon. Et en moyenne, du coup, ce serait combien par encadrant, entre parenthèses, combien de participants pour vous? Le max qu'on pourrait faire? Oui, enfin, une moyenne plutôt. En moyenne, on est plus 5-6, quoi. 5-6, ok. 5-6 participants, et après, on est 2-3 encadrants de l'asso. Parce qu'on prend aussi plaisir à être présent et à mettre les mains à la terre. Voilà, ça, c'est plus d'un point de vue personnel. Ça nous fait du bien aussi de mettre en œuvre. Donc, ça fait. Pour un client, c'est un bon ratio parce que ça veut dire qu'il y a 5-6 personnes qui ne sont pas très expérimentées et 2-3 personnes qui ont déjà fait un rayon et qui sont en mesure de driver le truc Okay. facilement, quoi, avec une certaine fluidité. Donc, si je reprends ma question sur Ouais. les documents que vous avez, finalement, vous avez l'asso, donc les gens qui viennent participer, ils sont adhérents à l'asso. Il y a une assurance et ensuite un contrat spécifique entre le maître d'ouvrage et SCAPI. Il Ouais. n'y a pas d'autres. Sur le suivi de chantier participatif. Et après, on s'engage pas sur autre chose que du second œuvre. Ouais. Et du coup, on considère que s'il y a un défaut, on le réparera ou le client a appris à le réparer. Okay. Et Mais passer par le principe d'ARA un peu approfondi où il y a justement une entreprise qui vient chapeauter et qui fait jouer sa propre décennale, tout ça, ça vous le pratiquez pas, bah, pas. ça, on l'a. Bah, par exemple, pour les enduits, on l'a fait. L'artisane, elle avait la décennale sur la finition des enduits, Okay. mais elle a suivi toute la pose des enduits de corps et tout ça. Enfin, alors, elle était là, elle a fait les mélanges, donc elle savait sur quoi elle s'appuyait. Et donc, elle peut, dans ce cas-là, engager sa responsabilité sur Oui. la suite. Ça dépend aussi de l'interlocuteur artisan qu'on va avoir. Parce que on peut pas demander. En fait, c'est déjà quelque chose qui demande une certaine souplesse d'esprit et un certain investissement de la part de l'artisan. On Oui. ne peut pas en plus lui demander de prendre de la charge assurantielle de tout l'ouvrage. Et donc ça, c'est forcément l'objet d'une discussion qui se passe en amont avec le client et avec l'artisan choisi et savoir ce qu'il est. En gros, c'est juste faire preuve de bon sens dans le cadre du projet qu'on a sous les yeux là. Genre, vraiment se concentrer sur la ligne de projet de ce projet-ci, c'est ça. Pour faire ça, pour que tout le monde se sente à l'aise et ne se mette pas en défaut à X années après. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on modifie sur le dessin du projet? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on modifie sur le suivi du chantier, enfin voilà, et on calibre tout pour que ce soit fait de manière sereine et pas engageante pour l'un plus que pour l'autre, quoi. Voilà. Mais du coup, tout ça, c'est du temps c'est beaucoup d'écrits, c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup on fait énormément des comptes rendus. On fait pas forcément que des comptes rendus de chantier, on fait aussi des comptes rendus de réunions, des réunions avec les clients. qui fait que du coup, on sait qu'à telle date, on a discuté de ça et qu'on en est arrivé à cette conclusion et qu'on s'appuie là-dessus pour la suite. Chose qui n'est pas forcément inclue dans la pratique de l'archi, dès l'esquisse, quoi. En général, on commence à écrire des comptes rendus quand c'est des grosses réunions avec les collectivités ou quand on arrive sur le chantier. Ah oui, c'est ça. Voilà. Sur quoi je voulais partir. Votre réseau d'artisans, du coup, j'imagine que vous commencez à connaître un peu des artisans qui ont cette envie-là de travailler Ouais, de cette bah manière. sur Nantes, on commence à avoir pas mal de monde puisqu'on est historiquement, du coup Rachel et moi, on habitait entre Paris et Nantes, donc du coup on a développé à Paris et à Nantes l'association. Donc sur Nantes, on est plutôt bien, enfin genre on a des interlocuteurs. Sur Gaillac, ça fait un an qu'on est là, de la même manière qu'on a créé l'agence il y a un an. Donc oui, on commence à avoir des interlocuteurs, mais on n'a pas encore éprouvé la relation. Oui, ça peut être Via le chantier. On commence maintenant. Donc ça, c'est OK. plus théorique encore de ce point de vue-là, Pour voir ce que ça va côté donner maintenant. sud. Bah, après, c'est théorique, on l'a déjà fait avec d'autres ailleurs, donc on sait, mais bon, faut trouver les bons interlocuteurs. C'est ça. Et est-ce que vous travaillez des fois avec eux en amont, du coup, avec les artisans, je veux dire Oui, ben, en général, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sait qu'il va y avoir une portion de chantier participatif, on appelle les personnes pressenties pour réaliser l'ouvrage. Par exemple, là, dans les chantiers participatifs qu'on va avoir dans les maisons neuves, c'est des choses qui sont incluses dans des ossatures bois, des pans à ossature bois, et il y a certains pans qui sont structurels et d'autres qui sont des pans de cloison. Ben on a travaillé en amont avec le charpentier pour calibrer que lui, son ouvrage convienne à ce qu'il veut lui faire porter en termes de ferme de charpente et tout ça au-dessus, hein, et ne soit pas handicapant et complexifiant pour le client pour remplir le cloisonnement. Donc ça, c'est oui, c'est des va-et-vient qui sont un peu en amont. Grosso modo, je dirais qu'en APS, on commence à se dire, ah, au fait, on a ça en tête, c'est un chantier participatif, il y a ça qui va se passer, ça qui va se passer, dans quelle mesure on ferait plutôt ça que ça. Et à partir du pro, on dit, bon, bah là, on en est arrivé à une cloison qui fait 10 de long, 2 de haut ou 2, 9 de haut. Bon, bah, pour l'instant, nous, on a calpiné de cette manière-là. C'est totalement ajustable, mais il faut que tu nous répondes là maintenant ou en faisant ton chiffrage ou enfin voilà. Donc il y a Ce travail-là, est-ce que les artisans ils le font chiffrer? Enfin, comment est-ce qu'ils s'en sortent finalement? le fait qu'ils aient une part de c'est une part de conception qui est vraiment réduite à une partie de l'ouvrage. En général, ils sont quand même assez contents de pouvoir le faire. Enfin, les artisans qu'on a comme interlocuteurs, qui ont l'habitude d'être dans un réseau où ils vont être formateurs, où ils vont être accompagnateurs de chantier et tout ça, si nous, on a déjà calé toutes les interactions avec le client et que, en fait, eux, ça leur simplifie la tâche, parce qu'ils vont quand même le faire ce temps de réflexion pour dimensionner leur ouvrage. C'est juste que s'ils étaient sur un contexte où il n'y a pas d'archi, ils auraient dû eux-mêmes proposer aux clients les différentes options et voir laquelle était la plus pertinente et ainsi de suite. Et donc, en fait, au final, ils auraient quand même fait quatre devis, quoi. C'est pas Donc forcément là, une place nous, en plus ou ouais, c'est ouais, ça. okay. Donc nous, si on arrive avec quelque chose qui est déjà plus défini, et qu'on leur dit les options c'est ça, ça ou ça, qu'est-ce qui paraît le plus pertinent, ben, le temps de réflexion pour eux est quand même moins grand, mais on laisse la porte ouverte à ce qu'ils aient une très bonne idée, parce que en soi, c'est eux qui vont mettre en œuvre, donc Ça, c'est peut-être plus faut rapide. pas négliger ça. Mais ça, c'est vraiment pour le coup très propre aussi au chantier patrimoine. Du coup, moi, en archi du patrimoine, le travail avec les compagnons, c'est vraiment, bon, bah là, j'ai ce franchissement à faire. Partout ailleurs sur la demeure, ça a été fait de, je sais pas, en arc brisé. Vous, comment vous vous sentez pour un arc brisé? Bah, allez-y, faites une épure et puis on en discute. Ou, genre, il y a X chapiteaux à rénover. Tous les chapiteaux qui sont en bon état, ils sont romans. Ben, nous, on veut un chapiteau qui se marie dans l'ensemble de ce qu'il faut rénover. Donc, le sculpteur propose quelque chose qui soit dans la thématique. Souvent, même, ça permet dans le patrimoine de dater l'ouvrage ensuite. Parce que par le style de sculpture qui va être fait, par exemple les fruits qui vont être représentés, on sait que le chantier, il a été fait au printemps ou il a été fait à l'été. Enfin, c'est vraiment laisser la marque aussi de l'artisan dans l'ouvrage. Et c'est une pratique du patrimoine qui est assez, assez courante, quoi. On n'est pas du tout dans une démarche de je te donne une liste de courses et tu dois la remplir. D'accord, ouais. Et plutôt, genre, en fait, ici, il y a cette opportunité de création, ici, il y a cette opportunité de création, on cadre cette opportunité, mais par contre, là-dedans, moi, enfin, en fait, ça me va très bien si quelqu'un trouve une idée meilleure que la mienne pour faire ce franchissement-là, ou pour faire cette entrée, ou pour faire cette charpente. Je trouve que ça redonne aussi des lettres de noblesse à l'art de faire, Oui, bien sûr. au Il y a une geste, quoi. relation entre les artisans et la C'est ça. construction qui est un peu déséquilibrée, peut-être aussi. Bah, en fait, tout le monde est là pour faire l'ouvrage. Là où on a un peu dépossédé tout le monde, que ce soit de le réparer pour le client ou que ce soit de le mettre en œuvre pour les entreprises plus conventionnelles. Oui, forcément. Ah, super. Donc, Super, voilà. super. Je vois qu'on a, ça va couper peut-être dans 2, 3 minutes. Ouais. Je vais voir un petit peu la partie économie Ouais. de projet. C'est plutôt en fait les postes. On a déjà commencé à parler voilà, de la taille, des enduits, etc. Est-ce que y a d'autres postes un peu qui sont réservés à l'autoconstruction et puis d'autres qui sont vraiment nets, quoi, on va, à part le structurel. Justement, un autoconstructeur va jamais s'en saisir. Bah, ensuite, il y a beaucoup d'autoconstructeurs, mais pas forcément encadrés par des archis, qui se saisissent de beaucoup plus de sujets structurels, de sujets. Mais là, nous, l'avantage qu'on voit à ce qu'on soit dans l'équation, c'est que le client est assuré que déjà la première partie tient la route et il a un toit sur la tête et il est hors d'eau, hors d'air. Ça nous paraît important. Ça rassure tout le monde et ça nous paraît important. Et ensuite, bah, effectivement, du coup, pour l'instant, on délimite assez à ces sujets-là, les chantiers participatifs, donc terre crue, paille, terre chanvre en correcteur thermique. Projeté ou pas projeté, ça dépend de la présence d'un artisan qui a la machine à proximité. Là, on va avoir un truc projeté dans pas longtemps, un chantier participatif où, au final, bah, l'entreprise va réaliser la partie projetée et le chantier participatif sera sur les enduits de finition. On fait que sur quoi on l'a fait aussi. Oui, je dirais que c'est à peu près ça la panoplie de ce qu'on a. On essaye de faire aussi, ça c'est des choses qu'on essaye de développer, mais on n'a pas encore fait, mais de faire de l'adobe de récupération, parce qu'au final, c'est un petit module, dans la région, il y en a partout qui tombent en ruine, et on pourrait les utiliser. Je pense Ouais, que je vais te tirer en laisser faire toi. un nouveau lien. Oui. Mais voilà, là pour l'instant, on n'a pas réussi encore à faire ça, mais on essaye d'avoir des interlocuteurs qui le permettent d'avoir des adobes de réemploi et de les recalpiner dans un autre contexte. On trouve qu'il y a déjà à faire avec ces sujets-là. Oui, Et clairement. qu'il y a un client qui n'y Mais connaît ça peut pas les occuper, grand-chose. j'imagine, normalement, de tout faire, c'est Ouais. En de... fait, il y a déjà pas mal à explorer. Et en fait, pour les clients, c'est toujours la première fois.